des audaces, dans ta confiance. Je serai jamais distant, distrait, cruel. Pour que tu sois belle, je veux pas que tu t'ennuies, je veux pas que t'aies peur. Je voudrais que tu oublies le goût du malheur. Je car le temps passe à pas géant. Je me ferai tout neuf, tout beau, tout ça pour être à toi. Je me ferai tout neuf, tout beau, tout ça pour être à toi. This was Julien Clerc in Ce n'est rien, It's nothing. And the other one was Fais-moi une place. Make a little spot for me, make a place for me. And so what he, of course, sings about, especially in the second one, it's about, well, he asks his loved one to make a little place for him. He'll never disappoint her. He will always be good to her. And so basically, I mean, these are two nice little love songs. Nothing too tragic, nothing too sentimental, but both very much in the spirit of Julien Clerc. Merci. Merci, Olaf. Maintenant, on va écouter Henri Salvador. Il va vous chanter deux chansons. D'abord, La vie, c'est la vie. Et ensuite, Alléluia, je l'ai dans la peau. Cet album a été fait vers la fin de sa vie avec l'aide de beaucoup de ses amis. Et le titre de l'album, c'est Révérence. D'abord, La vie, c'est la vie. La vie, c'est la vie, il faut se la vivre au hasard des jours et au fil des nuits. Faut se l'emmener jusqu'à l'autre rive, faut se l'espérer, son coin de paradis. Quand ça va, ça va, y a pas de problème. Quand ça ne va pas, faut se faire une raison. La vie, c'est la vie, avec ses je t'aime, avec ses chagrins et ses illusions. Ça n'est pas toujours comme on dit tout rose, la vie. Ça n'est pas non plus comme on dit tout gris. Mais c'est un mélange de gris et de rose, la vie. Mais c'est un collier de rosé et de gris. ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire. La plupart du temps, ça ne sert à rien. Tout le monde s'en fout, vaut mieux se la faire. Aujourd'hui qui pleure chantera demain. La vie c'est la vie, il faut se la vivre. Content pas content, faut s'en arranger. Faut se l'emmener tant qu'on peut la suivre. La vie ça se vit jusqu'à en crever. KFAI is partnering with the Cedar Cultural Center in Augsburg College for a benefit concert on Friday, January 24th to raise funds for the victims of the New Year's Day fire on Cedar Avenue in Minneapolis. The benefit concert will feature musicians who represent the cultural past of the West Bank neighborhood as well as its present. Already scheduled to perform are Spider John Kerner, The Brass Messengers, Martin Devaney, Phil Haywood, John Rodine, Southside Desire, Augsburg Jive, and DJ Go-Getter featuring the group Somali Youth Against Violence. Tickets are on sale now. More information about the Cedar Ave Fire Benefit Concert is available on the events calendar at kfai.org. Laissez-moi vous dire quelques mots sur mamie, mon ange, mon credo. Elle peut faire de moi tout ce qu'elle veut, car tout ce qu'on peut lire dans ses yeux. Oh c'est beau, oh c'est beau. Alléluia, je l'ai dans la peau. Les jours où c'est pas vraiment la joie, me remonte à coup de sa ira. Elle ferait rire un neurasthénique. Elle a toujours le bon mot, la technique. Oh c'est beau, oui c'est beau. Alléluia, je l'ai dans la peau. Pourtant nous c'était pas gagné d'avance. Il m'a fallu plus d'une danse. Bonjour, elle est venue frapper. Du coup, j'ai gagné. Ah, certains soirs, quand le soleil se couche, qu'on n'entend pas même une mouche, c'est par surprise et très tendrement qu'elle me dit, tu sais, je t'aime pour mille ans. C'est si beau, oh, c'est beau. Alléluia, je l'ai dans la peau. Alléluia. Pourtant nous c'était pas gagné d'avance. Faut dire que j'ai eu de la chance. Quand elle part je suis comme un enfant qui veut sa maman. Oh, je voulais vous dire quelques mots sur mamie, mon ange, mon credo. Car dans la vie, il n'y a rien de mieux que de faire la traversée à deux. Ah, c'est beau, oh, c'est beau. Alléluia, je l'ai dans la peau. Alléluia, je l'ai dans la peau. Alléluia, je l'ai dans la peau. Well, this was our old friend, Henri Salvador. And this is towards the end of his, well, long professional life. But he still sings the same themes, the same beautiful songs that he has been singing. a mixture of, well, the songs where you can hear his work, where he comes from, South America or Middle America. And the first one was La Vie C'est Belle. No, La Vie c'est la vie. He says that I'm getting ahead of myself. And the other one is Hallelujah. Je l'ai dans la peau. I have her under my skin. I'm totally taken by her. The first one, well, he says, La Vie c'est la vie. Well, you have to take it as it comes. There's not much you can do about this, but when things don't work out, well, then you have to make yourself an excuse, and you'll find something to keep going, keep on. You can't always have a happy time. You can't always be on roses, but there is a mixture of roses and gray, dark winter nights, or, well, they didn't have winter nights down there where he comes from. But anyway, life is life, and you have to live it just as the deck is dealt out to you. The other one is even more positive, and where he says, Hallelujah, you are under my skin. I'm totally beholden to you. So he sings about a lady, a girl that he has, and she is very attentive to him. They get together, and she says, "You are just the nicest guy," and he eats that up. And but she is sincere, because in all of the Civ 7 stanzas, I mean, it goes on that he is that she is really in love with him, and he is so much in love. And he says when she's away, I mean, he doesn't know what to do with himself. But he finds himself very lucky to have found this very nice person. Merci, Olaf. Maintenant, c'est le tour de Patricia Cass. Elle va chanter Les Mannequins d'Osier, et ça va être suivi par Les Hommes qui passent. Alors, elle a une voix connue pour les blues, vous allez voir. Du haut d'un grand pont, ces fantômes oubliés, ces ombres du passé qui nous espionnent. Faudrait pouvoir brûler les visages adorés de notre enfance, marcher d'un pas léger vers le soleil qui vient en insouciance, et les regarder. Jeter tous les mannequins d'osier du haut d'un grand pont, comme les poupées cassées, les pierrots abîmés de la mémoire. Faudrait pouvoir rayer les prénoms murmurés dans sa jeunesse, et savoir oublier les yeux et les baisers de la tendresse.

being thrown over the bridge onto the iced-over river and disappear. And she kind of equates them with certain phantoms of her childhood and so on. So it's kind of problematic. But she wants them all to go and get them off the bridge, and then you can see them. Well, I mean, I don't know what you do on a iced over river. You don't swim. They glide off into what, sunset or anything. The second one is even more problematic, and this is les hommes qui passent, maman. Well, the men who come through here, and then she complains to her mother. The men who come through here, their smile is distorted. Is distorted. They look terrible, and she never has anything from them except for money. And so she says, well, she would like to have at least be with someone for a month or maybe for a year. But obviously, this is not the case. So she complains to her mother, and I'm quite, what should I say? I mean, it's the kind, what are they doing? I mean, who are these men, and why do they leave money, the only money for her? And so, j'ai compris. All right, but so she doesn't like this situation, of course. So, Patricia Cass. Alors maintenant on retourne au passé avec Lynn Renault, chanteuse des années 40, 50, 60 plutôt. Elle va chanter Le Soir. Je trouvais ça jolie petite chanson. Et ça va être suivi par Je ne sais pas, Lynn Renault. Sais-tu pourquoi je n'aime pas les jours de la semaine? C'est que chérie, chez nous, je suis seule comme une âme en peine. Sur le cadran, je vais guettant les heures qui s'égrènent. Dès le matin, pour te revoir, impatiemment, j'attends le soir. Le soir, tu es à moi. Le soir, j'entends ta voix. J'ai ton sourire et tes yeux tendres. Le soir pour tous les deux, c'est l'instant merveilleux où nos cœurs se comprennent mieux. Le soir, tu m'appartiens et jusqu'au jour plus rien à mon amour ne peut te prendre. Et si j'aime le soir, chérie, c'est pour ta voix. À moi, tout à moi, rien qu'à moi. Soir pour tous les deux, c'est l'instant merveilleux où nos cœurs se comprennent mieux. Le soir, tu m'appartiens et jusqu'au jour plus rien à mon amour ne peut te prendre. Et si j'aime le soir, chérie, c'est pour t'avoir. À moi, tout à moi, rien qu'à moi. Sais-tu pourquoi je n'aime pas les jours de la semaine? Je ne sais pas ce qui m'attire. Est-ce ses yeux ou son sourire? Ou bien le charme de sa voix lorsqu'il murmure tout près de moi? Quand il m'embrasse sur les lèvres, je sens monter comme une fièvre. Dès qu'il me serre entre ses bras, plus rien n'existe autour de moi. Je ne sais pas pourquoi je l'aime. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ne cherche pas, ne cherche pas, ne cherche pas. Je ne sais pas pourquoi je tremble. L'idée de ne plus être ensemble. Me reviennent toutes mes joies quand il est là, tout contre moi. On m'a dit bien souvent des mots d'amour. Des je t'aime, des je t'aime et des toujours. Mais sans qu'il ait rien dit, il a changé ma vie. Jour et nuit, je ne pense qu'à lui. Je ne sais pas ce qui m'attire. Est-ce ses yeux ou son sourire? Ou bien le charme de sa voix lorsqu'il murmure tout près de moi? Quand il m'embrasse sur les lèvres, je sens monter comme une fièvre. Dès qu'il me serre entre ses bras, plus rien n'existe autour de moi. Je ne sais pas pourquoi je l'aime. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est mon cœur qui répond lui-même. Ne cherche pas, ne cherche pas. Ne cherche pas, ne cherche pas. Je ne sais pas pourquoi je tremble. L'idée de ne plus être ensemble. Mais reviennent toutes mes joies quand il est là, tout contre moi. Lynn Renault in Le Soir, The Evening, and in Je ne sais pas, I don't know. So she sings about, the first one, she sings about, well, her love and how in the evening, how she's waiting for her lover and how, well, everything seems to go fine. And Je ne sais pas is, she sings again about, she doesn't know exactly why she loves him, she doesn't know what's going on, but, I mean, she loves her man and that's what she is happy about. And these two songs, of course, were quite, what should we say, romantic. Mm. But actually, Lynn Renault is, actually, she's not, she is both a singer, very well-known singer, cabaret and other big shows. But then she's also an actress. She was in several films, Le Chaos, And these were films in the beginning of this century, 2001, 2000, whatever, three or so. But so, and she's not a spring chicken. No, she was born in 1928 in northern France. So that if you do the calculations right, she is now 86, and must have and played these roles while she was in the late 70s. I mean, of her age. And one of them was this, what was it, the three men and a baby or something like this? Trois hommes et un couffin. And in it, she plays a person her age. And that, at the time when it was done, was well, somewhat, not totally unheard of, but somewhat unusual that actresses would be given the role and actually accept a role in which they were playing something appropriate to the age that they were. So she was also somewhere in her 70s as she did this. But that's in France, a number of actresses have played their age. I mean, have participated in films with their at the age. Jeanne Moreau there was one that was just made a great film a year or two ago with Depardieu. Her name escapes me, but she was in her 70s or 80s too. Yes, and so this seems that seems to go over quite well in France, and people appreciate the honesty of films like that. Alors, merci, Olaf. Maintenant, on va écouter Paris Combo, qui va vous chanter Señor. Et ça va être suivi par Nicoletta, que je n'ai pas entendu depuis des années. Et elle va vous chanter Où es-tu passé, mon Saint-Germain-des-Prés? Que j'étais dans mon antre, où l'on entre sans frapper. Quelqu'un a pris l'escalier sur une petite idée de colimaçon. Il était maçon, il avait les mains tendres. Et de quelle façon il m'a bien fait comprendre que de tout l'immeuble j'étais la voisine qu'il avait le plus envie d'aimer. Alors j'ai dit merci. Merci beaucoup, mais voyez-vous, je viens d'emménager dans cet appartement où je vis seule tout simplement. Mais au même moment, j'ai pensé. Tam tabadam tabadam tabadam tam tabadam tabadam tabadam tam. L'amour a frappé à ma porte. Tabadam tam tabadam tabadam tabadam tam. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tam tabadam tabadam tabadam tam tabadam tabadam tabadam tam. Tout mon squelette est ravi. Tabadam tam tabadam tabadam tabadam tam. Et ça je l'emporte au paradis. Je m'agace. Pour l'heure, il faut que je ressasse tous mes sentiments égarés, mes folles oubliées, mon ressort abîmé. Et oui, Seigneur, il faut que je m'agace. Pour l'heure, il faut que je ressasse tout mon squelette en entier, mes plaies non suturées, en mon cœur isolé. Votre amour tombe à pic. Moi je vais tomber de très haut. Si vous ne me laissez pas le temps tactique de me remettre en selle au galop. Mais au même moment j'ai pensé. Tam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam tabadam t L'amour a frappé à ma porte. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tout mon squelette est ravi. Et ça, je l'emporte au paradis. Mais Seigneur, oui Seigneur, et ça, mon vieux, je l'emporte au paradis. Programming on KFAI is supported in part by Medtronic. Medtronic's commitment to a healthy Twin Cities starts with supporting programs like the Medtronic's TC Kids Marathon, a year-round online fitness program and running events for children. The next event is Saturday, February 1st at the U of M Fieldhouse. All participants get a medal and running socks. Information online at tckids.org. Pleure pas Casanova, t'es bourré, t'es saoulant. Il faut pas rester là, tout le monde est à cran. Que s'est-il passé, mon Saint-Germain-des-Prés? Non, rien ne peut plus masquer tes yeux scellés. On te lumiérise, on te concertise, mais ton cœur si bas ne bat plus du bon côté. Es-tu passé, mon Saint-Germain-des-Prés? Toi qui m'as donné la main pour me trouver. Même tes fenêtres ouvertes sont closes. Qui a bien pu t'en first heard Paris Combo, and obviously their voice was that of La Belle de Paris, and which she sings about, well, Señor, So this must, she must have some relations with someone of from Spain, or anyway, this is it's a very nice song, and she delivered. I mean, she has a voice that you can distinguish anywhere. Oh, yeah. I mean, it doesn't matter. You don't need to say who she is or what she, I mean, where it is. So that was Paris Combo, and the other one, Nicolette, où es-tu passé, mon Saint-Germain? She bemoans the fact that that she is, well, that Saint-Germain is not what it used to be. And basically, Nicolette actually is Nicolette Grison, and she's 70 now, close to 70. So, and she has been quite active, and she was very much in vogue in the 60s and 70s as when they were when they had what they called a ye-ye generation. And she's known for a version of Mammy Blue, which is an American song, but she has quite a lot of albums that she has produced, I mean, and in the, from 67 to, well, essentially, almost to now, I mean, if you wish. I want to say a few things about Paris Combo. They took a year or so off after they had a child. They were here when they brought the baby, and I guess it was murder. The child screamed all night, and nobody could get any sleep. But now they're back touring on their concert. If you're going to be in France, yes, you can order online tickets. They're going to be at the Trianon in Paris, March 29th of this year. You can buy at a reduced price your tickets from Weezevent, Weezevent. So it's Weez, Weez, and then event. 29th of March, Paris Combo. This is going to be an extensive tour. They're going to go to Hong Kong. And I don't know where Shaya is. Must be in France. Paris Combo. Wish they'd come back here. They great. I liked them. Yes, and they usually so the venue creative. was the Cedar. And that's where I think we saw them both. I mean, you saw them. We interviewed him here on Bonjour Minnesota. Exactly, and but both, also the other members of the of Paris Combo are very nice people. Mm-hmm. Yes, so. Well, her husband's a trumpet player, and it looks like they have Patsy is a guy who looks just like Django Reinhardt, kind of plays a guitar, and Francois is the drummer, and it looks like they have a different bass player. I don't know. Well, there's a picture here of him. That we unfortunately can't show. We can't see it. over the radio. But her voice is such that you don't even need to see the picture. No, you know it is La Belle. And she's the one that writes all the songs. Song, exactly, yes. Well, and I want to tell our audience to stay tuned. We're going to have a ticket giveaway in the second half. But now, on continue avec notre musique. Et on va écouter quelque chose de moderne qui nous vient de RFI, Radio France Internationale. Et l'artiste s'appelle Agnès Bill. C'est une drôle de femme. Elle fait semblant d'être distante, mais tout la touche. Elle s'intéresse à tout. Dans son nouvel album, qui s'appelle 36 heures, dans la vie d'une femme, parce que 24, c'est pas assez... Elle nous montre des émotions de tout genre. On dit qu'elle est dans la grande tradition de la chanson française. Et après, Agnès Bill va vous chanter « Faites l'amour, pas la vaisselle ». Agnès Bill. Thank you. Pleure pas Casanova, t'es bourré, t'es saoulant. Il faut pas rester là, tout le monde est à cran. Tu peux jouer les ivrognes et chialer dans mes bras. Ta princesse s'en cogne, elle ne reviendra pas. Je sais ce que ça fait de perdre les pédales quand tu l'as rencontrée. Moi aussi, j'ai eu mal. Après tout, c'est chacun son tour. Un jour, le bonheur fout le camp. Le temps passe vite à faire l'amour. Et l'amour passe avec le temps. Pleure pas, Casanova, relève un peu la tête. Elle était pas pour toi, c'était juste une minette. Elle a joué les madones, elle a fait comme les grandes. Il y avait mal donne et tu veux pas comprendre. Arrête de faire la gueule et puis regarde-toi. Tu veux pas dormir seule, alors tu penses à moi. Pleure pas, Casanova, demain tu seras pas fière. Et ça suffit comme ça, tes larmes puent la bière. Arrête ton baratin, finalement ça vaut mieux. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ta queue. Ça devient pitoyable, reprends tes discours. Tes je t'aime, je tague, et tes miettes d'amour. Après tout, c'est chacun son tour. Un jour, il faut serrer les dents. Le temps passe vite à faire l'amour, et l'amour passe avec le temps. Casanova, t'as su que tu l'aimais. Depuis qu'elle est plus là, depuis qu'elle t'a quitté. Maintenant, tu reviens me parler du passé. Moi j'ai un mal de chien, moi j'ai rien oublié. Tu m'appelles au secours, mais ce soir c'est raté. On va pas faire l'amour, on va faire l'amitié. Après tout, c'est chacun son tour. Un jour, il faut serrer les dents. Le temps passe vite à faire l'amour. Et l'amour passe avec le temps. C'est à chacun, chacun son tour. Un jour, le bonheur fout le camp. Le temps passe vite à faire l'amour. Et l'amour passe avec le temps. Okay, this was Agnès Bihl, and what she sings, this song is Pleure pas, Casanova, and basically what she tells him is, well, I mean, okay, now you're old, and bemoan the fact that you can't do the things that you could do when you were 20 or 30 or 40 even. But so she says, it's time not to make love, but to become friends. Ne pas faire l'amour, mais faire l'amitié. And so everything kind of comes at its turn. And so that's the way goes. And now you come back and will talk to me. But she remembers very well how he behaved. How he was, obviously. I mean, he was not in his heydays, not only interested in the lady who is singing. So, and Agnès Bihl is known for her, she is a feminist, and she's quite outspoken, as we will see in the next in the next song after station identification, I suppose. But she has been influenced by Brassens and others, and so this we'll hear more of from her in a, well, not in a second, but in a couple of minutes. Yes. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 93.3 FM, Minneapolis, and 106.7 FM, St. Paul, Radio Without Boundaries. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio Communautaire, KFAI, 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 à St. Paul, Radio Sans Frontières. Il est 21h. Exactement. 9 p.m. Yes. Here in Minneapolis, St. Paul, and everyone who's listening to us. Oh, I don't know. We have people that listen at a very long distance. Yes, we have. Sometimes from Hawaii, sometimes... Even Germany, I've had. Germany, oh yes, my, yes. Yes. Mm-hmm. Well, it's 4 a.m. in Paris. And so, Munich, so... Yes, they'll be catching the radio show on archives. You know, all the program is held in archives for a couple of weeks, so if you miss it, you can listen anytime. Just go on to kfai.org and select Archives. And today is the 21st of January, if you want to listen to this program. Eh bien, on va écouter Agnès Bihl encore une fois. Elle va vous chanter « Faites l'amour, pas la vaisselle ». Se préparer nerveusement pour une galère de longue durée. Quand on parle anglais sans accent, vraiment aucun accent anglais. Plus besoin d'hésiter, pour vivre heureux, vivons couchés. Mais d'après Freud et mon coiffeur, il n'y a rien à regretter. Car l'argent ne fait pas le bonheur de celui qui est toujours fauché. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe, moi je me fous de la morale. Et ça c'est bon pour le moral. Alors puisque la vie est belle, faites l'amour et pas la vaisselle. Mais de l'embauche à la débauche, il n'y a qu'un pas tout droit dans le mur. Alors quand on a deux mains gauches, avec 10 pouces à la jointure. À nous la liberté de pioncer. Faut voir le bon côté des choses, au pire on meurt et puis c'est tout. Mais comme le bon Dieu aime les pauvres, alors il en a fait beaucoup. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe, moi je m'en fous de la morale. Et ça c'est bon pour le moral. Alors comme la vie n'attend pas, faites l'amour et puis la fiesta. On est tous au garde à vous et qu'on se met tellement la pression qu'aujourd'hui soit on devient fou, soit c'est plus simple, on reste con. Parce que c'est bon de rouspéter, protester, râler, réclamer. Faut bien dire qu'on est des milliers à patauger dans la panade. Mais si le travail c'est la santé, alors qu'on le laisse aux malades. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe, moi je me fous de la morale. Et ça c'est bon pour le moral. Alors puisque la vie est belle, faites l'amour et pas la vaisselle. Aïe aïe aïe. La morale, et ça c'est bon pour le moral. Alors comme la vie c'est trop court, faites l'amour au moins tous les jours. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe, moi je m'en fous de la morale. Et ça c'est bon pour le moral. Alors comme la vie n'attend pas, faites l'amour et ne faites plus que ça. Well, this was Agnès Bihl, as in her, well, in her feminist role, and actually very, very entertaining. And what she is singing about, of course, is "Faites l'amour, pas la vaisselle." Make love and don't do the dishes. And she sings. Well, it's I give a damn on about morals. I want liberty, and I'd rather make love than do the dishes. So, and the you have to carve out a little bit of happiness in this world, and she's not made for gray existence, doing the dishes all the time. She actually came out in 1998 in various smaller venues, and then was actually, well, discovered is maybe not the right word, but then she was asked by Thomas Fersen and others to actually join in their larger venues. We'll hear him later. And even Charles Aznavour actually sang with her or had her on his program in 2007 or so. But she is progressing pretty well, and obviously she's doing pretty well. Sounds like a character. Without actually doing the dishes all the time. Alors, la prochaine, c'est Poème avec Carmen Maria Vega au coin des rues. Et ça va être suivi par Bébé Brune. Et c'est un trio, ils vont vous chanter Bye Bye. Alors, ce trio de rockers sont à leur troisième album déjà. Ils n'ont que 24 ans et ils se font remarquer par les jeunes. On dit que même on adapte leur moyen de s'habiller et enfin, les jeunes femmes les adorent. Poème avec Carmen Maria Vega. Il y a des villes sur lesquelles on écrit trop. Les villes capitales des pensées inutiles. Qui sont toujours de trop. Il y a des villes où l'on ne peut plus aller. Parce qu'elles sont trop lourdes, trop chargées. Il y a des villes qu'on aimerait oublier. Des rues et des trottoirs qu'on voudrait jamais avoir foulés. Parce qu'ils relancent les idées noires. Parce qu'ils ravivent les désespoirs. Même quand on fait tout pour oublier. Aveugle et sourde aux sentiments, elle sème le trouble dans nos instants perdus. Nos instants perdus dans les attentes perdues au coin des rues. Il y a des villes dans lesquelles on marche sans avancer. On se perd au hasard du goudron. Au hasard des pensées qui tracent les chemins. Ce sont des villes à en perdre la foi. Ce sont des villes où être humain devient un exploit. Il y a des villes que l'on aimerait vider pour tout recommencer. Il y a des villes que l'on aimerait raser. Comme on rase un immeuble. Comme on coupe un lien pour effacer les traces. Aveugle et sourde aux sentiments, elle sème le trouble dans nos instants perdus. Nos instants perdus dans les attentes perdues de vue au coin des rues. Au coin des rues. Il y a des villes comme ça. Thank you. Mais comment s'y faire? On se préfère. Comme on se dit bye. Bye. Laisse-moi être où tu vas. Mort la laisse. Si tu ne me remets pas, mort or laisse. Dans tes bras, je me délaisse. À te miauler sans voix. Tu es de non-lâche. Ce que je préfère. Des genoux aux amygdales. Et tu te donnes non-lâche. Ce que je peux faire. Quand tout d'un coup va mal. Un pacte de balle. Mais comment t'y faire? Comment te taire? Je me dis bye, bye, hey. Allô, allô, je t'ai perdu. Haru harali haraloi ha. Go around the world in 4 hours with the cutting edge in global music on KFAI, 8 p.m. to 12 a.m. weekdays. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at AMPERS.org. AMPERS features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. Well, we heard two examples of relatively young singers coming to the forefront, and these both, that is Prodhomme au coin des rues, on street corners of a city, and then Brunesse in Bye Bye. Both came out of the, more or less out of the rock scene and electronic music, and then developed into, well, some kind of a marriage between all of those. Prodhomme gave Carmen Maria Vega as his female singer the chance of working with him, and they sing Au coin des rues. Actually, Au coin des rues is, there are some even old poems about this, but basically here they talk about the streets and, well, the kind of dangerous streets and the dark streets and things like this. But it's a very, the music is quite fetching. And basically he makes his lyrics himself, and they are sometimes he speaks these, and this there were passages here in which he did speak his lyrics, and then somewhat looking back with nostalgia to other times. Brunesse is in Bye Bye. Well, exactly same thing. I mean, he's part of a small group of very young singers, and they have taken Paris by, well, not by storm, but I mean at least they have been going strong. I mean, for a long time, much longer than you'd expect a small insignificant group to last. And Bye Bye, of course, is a song about, well, things as they happen, and then at the end you just say bye bye. Merci, Olaf. We will be giving away tickets, but wait until we tell you when. How about a couple of announcements? Very good. Okay. The tickets are for a wonderful adaptation of a Molière play. It's at the Park Square Theater. It's called The School for Lies, L-I-E-S. It's an adaptation of Molière's Le Misanthrope, directed by Amy Rumeny. She is the assistant artistic director of Walking Shadow Theater Company. The play is set in 1666, France, but its message is timeless. And the reviewer says it is a dashing mashup currently playing at the Park Square Theater. Cleverly wrought rhyming couplets. It's a rollicking French farce topped off with a healthy dose of pop culture, a frothy concoction of dazzling as the brilliant chandelier that overhangs the set. Well, this play is a great one by Molière, but this is a modern adaptation with not really Molière's, but a wonderful adaptation by Ives. His name is David Ives, and he is called the real star of this show. His language, he has a grasp of intricacies of the rhyming couplet form, and the play will have an unlikely couple who falls in love. One is Célimène. Did you want to say something? No, Célimène, yes. Célimène, who is a young woman who has three ridiculous suitors who she isn't interested in. So along comes one suitor who they have renamed Frank, because he certainly is. He's an outspoken, almost too outspoken. And they fall in love. Well, there's a series of comical mishaps, mistaken identities, looming lawsuits, and body sight gags. That should be something to see. This will be, this play makes hardly nary a mistake or a misstep, with underlines with wicked glee the timelessness of hypocrisy and humanity's capacity for self-deception. So an outstanding review. We will be giving away later on you want the what you had given me, I bet. Mm-hmm. Yeah, so the about Ives. Mm-hmm. I should give the address again. The Park Square Theater is 20 West 7th Street in St. Paul. We will be giving away later two tickets, a pair of tickets for the School for Lies. It's running at 7:30 p.m. Tuesday through Saturday and 2 p.m. on Sunday. And it will be running, February 2nd. It'll run these Thursday, 23, 24, 25, and 26, and then it'll run again from the 30th on till the 2nd of February. Yes. And then it ends. But description of the play and the characters, I mean, I don't know if it was very, very terribly conceived or redone. I mean, I think modern language. Modern language, yes. But the interesting thing is that it actually is in rhymes. I mean, and the original, the Misanthrope, is in rhymes, of course. Yes, that's right. One of the Molière wrote in rhymes, and the seeing parts of it or seeing the stage is amazing. I mean, because it's the costumes and the set, beautiful costumes and set, and they are definitely belong to the 17th century. I mean, 16. One of the things that reviewer Lisa Brock of the Star Tribune put in. It's hard to imagine that the ubiquitous LOL used in computer language could be incorporated into iambic pentameter verse. Laughing out loud. So this will be a great production, I'm sure. Did you want to say anything about Ives, the one who adapted it? No, he is, I think he operates out of, if I'm not totally wrong, from Chicago. No, he is. He has been doing quite a lot of plays, adaptations, and writing. So, but it's basically the show is kind of it's amazing that this can, well, I mean, that's one thing about Molière. Is he is still wonderful because he points out human foibles and that are still going on. Yes, absolutely. Yes. Yeah. I mean, basically, the idea is that this, what I mean, they call him Frank, but I mean his Acaste in Molière's play, the name is, it's not Agan or something. Anyway, I mean, he decides that he wants to be absolutely frank with everyone, and he doesn't like to be flattered, and he doesn't, if someone, well, you can't always do that, and he that. If someone recites a poem that he has done and he just says contrary to good usage, who would say this is fine, he just says this is terrible, and his friend Orant is of course trying to keep him from isolating himself totally. And I don't know how this play ends, but basically, Frank wants to, I mean, the Molière character wants to go on an island so he doesn't see any people, and he wants to take his lady friend with her in the to the desert, but she kind of says, oh no, not in the desert, and that kind of ends the Molière play. Well, we'll give these tickets right now to the third caller, and if you don't have luck at first, try again. Our number in the studio is 612-341-0980. 612-341-0980. Y'a du reggae dans mon blues, de la gagne dans ma loose, du rhum dans ma bossa, et c'est très bien comme ça. Mon kiné est chinois, mon dentiste renois, mon chirurgien malien, crois-moi ça change rien. Tu as peut-être comme voisin quelqu'un qui vient de loin. Il y aura toujours une place dans nos rues, dans nos impasses. On n'a peut-être pas la même France, on n'a peut-être pas la même chance. Il y aura toujours une trace, si certains veulent qu'elle s'efface. On n'a peut-être pas la même chance, c'est nous les bâtisseurs de France. Sans médaille et sans récompense, voir le Mali, passer par l'Italie, un détour par l'Algérie, en restant à Paris. Parfum de tagine, prière dans les usines, un air de Bamako, la France qui se lève tôt. J'ai l'humour chocolat, le cerveau cacao, le cœur un peu métro, ça m'a toujours tenu chaud. Dans nos rues, dans nos impasses, on n'a peut-être pas la même France, on n'a peut-être pas la même chance, il y aura toujours une trace. bâtisseur de France. Sans médaille et sans récompense. Toutes les origines, toutes les couleurs, toutes les confessions sont portées dans son cœur. Elle est pas née d'hier, la France d'aujourd'hui, elle en a passé des hivers et des intempéries. Faudrait pas qu'on oublie, il y aura toujours une place dans nos rues, dans nos impasses. On a peut-être pas la même France, on a peut-être pas la même chance. Il y aura toujours une trace, si certains veulent qu'elle se fasse. On a peut-être pas la même chance. Bâtisseur de France, sans médaille et sans récompense, c'est nous les bâtisseurs de France. Well, we have our winner for the pair of tickets to see the School for Lies. Congratulations, Diane from Minneapolis. I hope you enjoy it. It'll be a great, really sounds terrific, doesn't it, Olaf? The visuals are just stunning. I mean, I'm amazed that relatively small theater can come up with a decor and with costumes. I mean, actually, costume designer is quite well known, Susan Mickey. But these costumes are like they come out of the Comédie Française. I mean, they couldn't be better. The picture looks beautiful. Yeah. Well, for those of you who didn't make the free tickets here, it's worth your while to attend the School for Lies. It's on at 7:30 p.m. from Tuesday until Saturday, and at 2 p.m. on Sundays. It ends February 2nd. I guess that's enough. Okay. Oh, you can call them for tickets, 651-291-7005. 651-291-7005. Et la chanson que vous avez entendue, c'est Thomas, qui chante Les Bâtisseurs de France. Alors maintenant, la dernière chanson. Oh, une annonce. Changing how you get around? KFAI would love to turn your vehicle into great community radio programming. You can donate your car, truck, van, RV, boat, motorcycle, any vehicle you no longer use can be a great help to us. After a few minutes of paperwork you'll fill out online, we'll get a tow truck headed your way. Find out more about donating your vehicle at kfai.org. Programming on KFAI is brought to you by Southside Pride, a monthly newspaper locally owned and operated in South Minneapolis. Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the Southside and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods and more. More information is available at southsidepride.com. Et voilà. On va écouter la dernière des chansons qui viennent de RFI par un artiste qui s'appelle Nourrit, Lettre à France. C'est son troisième album, mais le premier dans lequel elle écrit, compose et participe aux arrangements. On y entend sept instruments, je crois, traditionnels, le sitar, le oud et le violoncelle oriental. Nourrit. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi. Je pense soi, c'est ça être là-bas. La différence, c'est ce silence parfois au fond de moi. Oh, oh, tu vis toujours au bord de l'eau, quelquefois dans les journaux. Je te vois sur des photos. First we heard Les Bâtisseurs de France, The Builders of France by Thomas. And Thomas is, well, he started in a group, but then he started from scratch, practically. And his singing is built around his playing of the guitar. So in Les Bâtisseurs de France, he sings about, well, we may not all have the same opportunities, but we build. We're the builder of France. We do streets and squares, and basically a positive song about the future or what he sees as the future of his country. The other one is Nourrice, and this song is about La Lettre en France, in which she sings about, well, if you're far away from me, then I'm sad. I'm not always true to you, but I mean those things happen. But basically, I mean she's quite sad when he is gone. So. Nourrice is she actually does some very interesting things with her music or with her instruments. She uses Hindu Indian and oud, oriental cello, and then also somehow or other weaves in Celtic references. So it's quite a nice new discovered singer. Merci, Olaf. And here are some announcements from the Alliance Française. Well, let's see, I got so many papers here. There are classes going on now. It started already, but I bet you could still get in on them. It's about Boris Vian. We've often played his music. He was truly a man of great talents. He was a prolific writer, musician, critic, actor, influential on the French jazz scene. There will be the Alliance Française instructor, Sandra, will introduce you to his works and his novel, L'Écume des Jours. Starts Wednesdays, January 19th or 15th through February 12th from 6 to 8. Call the Alliance. Find out if you're interested in that. 612-332-0436. All kinds of classes going on. Conversation, foundation classes. But if you want just a short one, there's all kinds of things like French for Travelers, if you're a non-French speaker. Workshops, which include Pronunciation Part 1. La Séduction à la Française. Oh là là. A seasonal vocabulary class so you can wax poetic to your loved ones in French. Des crêpes pour la chandeleur, coming up on February 2nd. The French serve crêpe. A workshop on Matisse, the artist, and another one on Le Monde Francophone. Call the office or go online at bonjour@afmsp.org or telephone 612-332-0436. Coming on soon is Clément Lay at the Walker Art Center. He will be playing there on this Thursday, the 23rd at 8 p.m. and Friday, the 24th at 8 p.m. and Saturday, the 25th at 8 p.m. Price break for Alliance Française. I don't say much about him except he's humorous and conceptual. Brilliant solo, public and private, Clément Lay. The Alliance is going to conduct an adventure in French pottery, art, food, and wine, a guided tour in October. That's something that you need to know more about, so I will just tell you to call the Alliance if you would be like to see things, especially if you're a lover of pottery, art, food, and wine. Their number, 612-332-0436 in October. All you jeune cadre, young people, Wednesday, tomorrow night, January 22nd, pour la soirée pull moche, ugly sweater night. That's going to be 6 to 9 at 205 East Hennepin Avenue with your ugly sweater. You need to reserve, so call 612-332-0436. All sorts of book clubs. Easy Beginner Book Club, Saturday, January 25th. I keep saying July. Must be I'm wishful thinking here. Absolutely. That's from 2:30 to 3:30 at the Alliance this coming Saturday. And for intermediate readers, Wednesday, February 5th from 6 to 8. The Teenagers, Le Club des Ados, Saturday, this coming Saturday, January 25th, 11 to noon, patinage sur le lac des Îles, ice skating on Lake of the Isles from 11 until noon, meet at the Lake of the Isles warming house. It's for teens of 14 to 17 who would like to speak French also. Coming up also in February is St. Martin's Cloak,

Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté, c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux quatre, finis tes devoirs, il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère, les enfants à table, écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Voilà plus d'une heure que je te tiens dans les bras. Voilà quelques jours que je suis tout à toi. Il est très tard et tu dors pas. Je t'ai fait une berceuse, la voilà. Demain, le jour sera là et les oiseaux chanteront leur joie. Tes paupières d'or s'ouvriront sur le soleil et sur sa chanson. Ferme les yeux, c'est merveilleux. Et dans tes rêves, toutes les fées viendront te réveiller. Fais dodo. Pourquoi tu dors pas? Demain il faut que je me lève tôt. J'ai un rendez-vous hyper important. Si t'aimes ton père, si tu l'aimes vraiment, sois fatigué et dors maintenant. J'ai sauté sur l'occasion, t'avalais ton biberon pour un micro-sommeil de 10 secondes environ. C'était confort, j'ai bien récupéré. Maintenant tu dors, t'arrêtes de nous faire chier. Fais dodo. Demain, le jour sera là et les oiseaux chanteront leur joie. Tes paupières d'or s'ouvriront sur le soleil et sur sa chanson. Ferme les yeux, c'est merveilleux. Et dans tes rêves, toutes les fées dors, dors, dors. Bordel, pourquoi tu dors pas? Dors, dors, dors. Laisse dormir ton papa. Ce que tu regardes en riant, que tu prends pour des parachutes, ce sont mes paupières, mon enfant. C'est dur d'être un adulte. Allez, on joue franc jeu, on met carte sur table. Si tu t'endors, je t'achète un portable, un troupeau de poneys, un bâton dynamite. J'ajoute un kangourou si tu t'endors tout de suite. Tes paupières sont lourdes, tu es en mon pouvoir. Une sensation de chaleur engourdit ton corps. Tu es bien, tu n'entends plus que ma voix. Je compte jusqu'à trois et tu vas t'endormir. Pourquoi tu veux pas dormir? Pourquoi tu dors pas? Je te donnerais bien un somnifère, mais y en a plus, demande à ta mère. T'es insomniaque ou quoi? Puisque tu me laisses pas le choix. Voici le temps des menaces. Si tu dors pas, je te place. Dors, dors, dors. Mais on dirait que ça marche. Tu fermes les yeux, tu es si sage. C'est merveilleux, tu dors comme un ange. Tu as de la chance, moi aussi j'ai sommeil. Mais c'est le matin, il faut que je m'habille. Je me suis énervé, mon amour, je le regrette. Pour me faire pardonner, je vais te jouer un peu de trompette. Changing how you get around? KFAI would love to turn your vehicle into great community radio programming. You can donate your car, truck, van, RV, boat, motorcycle, any vehicle you no longer use can be a great help to us. After a few minutes of paperwork you'll fill out online, we'll get a tow truck headed your way. Find out more about donating your vehicle at kfai.org. Programming on KFAI is brought to you by Southside Pride, a monthly newspaper locally owned and operated in South Minneapolis. Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the Southside and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods and more. More information is available at southsidepride.com. Programming on KFAI is supported in part by Medtronic. Medtronic's commitment to a healthy Twin Cities starts with supporting programs like the Medtronic's TC Kids Marathon, a year-round online fitness program and running events for children. The next event is Saturday, February 1st at the U of M Fieldhouse. All participants get a medal and running socks. Information online at tckids.org. Well, we heard the announcements and the time, I mean, we were talking about the School for Liars or La Misanthrope. In those days, you didn't have cars, you had chaises, la chaise. You were carried by two men, I mean, one in front, one in the back, and you were sitting on this chaise going through the mud of Paris streets. I wonder if they would take a chaise with the car or whatever the other donations are. Anyway. We heard Benabar. It's a quite interesting singer. He always comes up with the unexpected. So the first one was Quatre Murs et un Toit, in which he sings about a house. He sings about a house. Well, he actually goes through the entire history of the house. So here, first they had the little kids in the house, and then they had to... painted and, you know, all the kind of work that one does with the house as you have to maintain the house. So he sings about this, and then the story goes along. I mean, so then the kids take off. They are no longer in the house. They go to Paris and live in overcrowded and extremely small apartments. So now they are empty nesters, and now they can have a second bathroom in the house, but still, the house is empty. Well, after a while, the grandchildren come, and so there is again life in the house, and the style is very, it's basically spoken, or melodically spoken, and then at the end he says, "Yes, you see, I'm a realtor. I'm trying to sell you this house, and there's a ghost in this house, or there are ghosts." So this is how he surprises people. And the second one that you heard is La Berceuse, and La Berceuse is a lullaby, and so it starts out with he sings to someone that he's held in his arms for an hour, and doesn't sleep. First, you think, is this his bride or someone? But no, it's a little baby. And he is singing, and he is singing this song, trying to get her to sleep, but she doesn't want to sleep. And he tries to bribe her. He tries to say, okay, if you just go to sleep, I'll buy you all kind of stuff. He thinks about, giving her a snorter of cognac or something like this to make her sleep. But it doesn't. So he sings and sings and sings. And in the end, she is finally, the baby is sleeping like a baby, Beat. And so he thinks, well, this is okay. Now finally I've got her to sleep. And then he says, oh God, it's already morning. I have to get up and get dressed and go to work. But I will give you as a... Well, he gives her a blast from his trumpet. So. Trumpet lullaby. So this is the way he kind of deals with things. All right, but before we go here, I just want to very quickly say that from the Park Square Theater From March 14th to April 6th, they are doing another French play, Cyrano, Cyrano de Bergerac, which you should try to find out. We have more French plays in the Twin Cities than you can shake a stick at. Don't Dress for Dinner is in the Theater of the Round, February 14th. Martin's Cloak was already mentioned. And then Walking Shadow has, in May, will have the Three Musketeers. And the Rose Ensemble is very, very active. They right now they also have a Toast to Prohibition with Dan Chouinard and Marie Agette. I haven't been able to squeeze anything French out of that, so I don't know if I should mention it here. But it's the Rose Ensemble that is really very active. Well, it's time for us to say au revoir. So goodbye, Olaf, until next week. Au revoir. Au revoir, Karil. And you'll hear more about these plays next time. Here's just a bit of Claude Bowling and Stéphane Grappelli. Au revoir. You are tuned to 900 red hot watts of community radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, 106.7 FM St. Paul, and on the web at kfai.org. Radio without boundaries. Smoking. Thank you. Pozdravej.